Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. La montagne, ça vous gagne. Incroyable slogan publicitaire qui, faut l'avouer, fonctionne avec tout ce qui rime en agne. La Bretagne, ça vous gagne, la Champagne, l'Allemagne, l'Espagne. Mais pour gagner la montagne, de quoi faut-il s'équiper? De patins, de luges, de traîneaux, de raquettes, de ski, évidemment. La montagne, hostile et rebutante, est devenue un lieu attractif, très attractif. Comment s'est opérée cette transformation? Allez, touchous, une histoire de la glisse. Steve Agimont, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence en histoire contemporaine à l'université de Versailles à Saint-Quentin. J'évoquais cette montagne hostile et rebutante et dans le cours de l'histoire des émissions à réécouter sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France. Nous avons évoqué ses habitants, notamment de la montagne. Nous avons évoqué le Dahu. Nous avons évoqué aussi les crétins, ceux des Alpes. Pourquoi la montagne a-t-elle pu être considérée sans cesse comme rebutante? Il y a une question de regard. Qui la regardait comme hostile? Oui, bien, peut-être avant tout les populations urbaines, populations en partie savantes, enfin une partie des élites pour qui les montagnes étaient un horizon lointain, très peu connu. Mais ce regard change, et je pense que c'est apparu en creux des émissions précédentes, mais ce regard change à partir du XVIIIe siècle, avec un intérêt nouveau pour une nature montagnarde devenue une forme de spectacle désirable, une nature désirable, et qu'on va aller rechercher dans les Alpes, bien sûr, de la Suisse, autour de Chamonix, qui à ce moment-là est dans le royaume du Piémont, hein, et puis dans les Pyrénées, on commence à arpenter ces montagnes, dans lesquelles on va trouver des beautés incroyables, et puis certaines vertus sanitaires qui sont également très importantes dans ce départ de ce qu'on va appeler ensuite tourisme. Vous avez particulièrement travaillé, Steve Agimont, sur les Pyrénées. Cette montagne est intéressante parce que quand nous évoquons l'idée d'utiliser la montagne comme un espace éventuellement récréatif, nous pensons au ski, évidemment. À l'origine, ce n'est pas tant le ski qui intéresse ceux qui se rendent à la montagne. Ouais, c'est ça, c'est que le ski est à replacer dans une continuité, enfin dans une histoire plus longue du tourisme en montagne. Les montagnes qui apparaissent en fait comme un des espaces originels du tourisme, avec, disons, plusieurs attractions, les paysages de montagne eux-mêmes, hein, les lacs, les gorges, les panoramas qu'on peut découvrir en montagne, les grands lacs de Suisse et puis de Savoie, et puis également, eh bien, un certain nombre de vertus sanitaires, voilà, encore une fois, qui sont attribuées aux montagnes, les vertus de l'effort, la beauté même des paysages qui est réputé renforcer le corps et l'esprit, et puis certaines eaux thermales, et c'est ce qui fait que par exemple les Pyrénées vont être arpentées, étaient déjà connues pour les eaux thermales, et elles sont ensuite arpentées. Et elles sont ensuite arpentées sans cesse par ceux qui vont visiter cette montagne. Cette montagne, vous évoquez les Pyrénées, vous évoquez les eaux thermales, allez, on va se tremper les pieds à Bagnères-de-Bigorre. Alors monsieur Lacasse, d'où vient ce surnom pour Bagnères-de-Bigorre de perle des Pyrénées? Alors donc c'est une appellation déjà très ancienne. Appellation contrôlée, bien sûr. Bien sûr, et qui est surtout, je pense, d'origine anglaise. Parce que notre station de Bagnères-de-Bigorre a été fréquentée par les Anglais durant de très très nombreuses années. Et ils avaient appelé Bagnères la perle des Pyrénées, et ça lui est resté, bien entendu. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'il y a encore des Anglais à l'heure actuelle, bien sûr ce ne sont pas les mêmes, c'est évident. Et puis il y a des Allemands, c'est-à-dire que Bagnères-de-Bigorre est presque une ville internationale en fait. Ah ben oui, il est bien certain que durant les mois de juillet et d'août, c'est une ville internationale, parce qu'en dehors des Anglais et des Allemands que vous venez de citer, nous recevons beaucoup d'Espagnols, nous recevons des Scandinaves, nous recevons des Suisses, des Italiens, enfin nous voyons à peu près au syndicat d'initiative beaucoup de nationalités, même des gens venant d'Amérique. À votre avis, monsieur Lacasse, qu'est-ce qui attire les gens ici à Bagnères-de-Bigorre? Oh ben, ce qui attire les gens à Bagnères-de-Bigorre, vous savez, je suis chauvin, hein. Fatalement, bon, ce qui attire les gens à Bagnères, c'est que c'est d'abord une très très jolie ville. Une ville qui a fait des efforts très importants en ce qui concerne le fleurissement. Il suffit de faire un tour dans le quartier des Thermes pour voir nos parcs fleuris qui font l'admiration de nos visiteurs. Et bien sûr, tout à l'heure, nous parlerons du thermalisme à Bagnères-de-Bigorre. Nous reviendrons sur les fleurs avec la fête des fleurs qui va se dérouler aujourd'hui. Mais tout de suite, Gilles Berbeco, le petit train de la vie. Voilà, le petit petit train de la vie de Gilbert Bécaud. Le train de la vie, c'est un joli petit train. Un joli petit train, Steve Agimon. Non, mais c'est souriant de mettre ce petit train de la vie. Je ne sais pas si les journalistes de FR3 Midi-Pyrénées en 1979 avaient pensé à mettre cette chanson de Gilbert Bécaud après un sujet sur Bagnères de Bigorre, mais il y a un lien, le développement de ces stations thermales est lié aussi au développement du chemin de fer. Ouais, disons que les chemins de fer vont permettre d'accroître un mouvement qui était déjà amorcé très fortement. Bagnères de Bigorre est une très grande station du 18e siècle, très réputée. Alors ce qui est amusant, c'est qu'il part des Anglais, il y a une sorte de mythe qui se forme autour de l'origine anglaise de ces flux touristiques. Mais quand on regarde la fréquentation en particulier des Pyrénées, alors c'est vrai pour les Alpes, la Suisse, hein, qui est très fréquentée par les Anglais, pour les Pyrénées c'est beaucoup moins le cas. Et par contre, il y a une station hivernale qui, elle, est très fréquentée par les Anglais à partir du milieu du 19e siècle, c'est Pau, bon, qui a une importance aussi. Mais sinon, effectivement, le chemin de fer, hein, permet d'accroître considérablement les flux touristiques, et on voit, hein, dans les stratégies des compagnies de chemin de fer, la desserte des stations thermales est faite très tôt, parce qu'ils savent qu'ils vont avoir des flux voyageurs importants qui vont rentabiliser les lignes. Et la compagnie de chemin de fer du Midi ou la compagnie PLM, hein, voilà, vont s'intéresser à la desserte des stations touristiques, avec derrière les intérêts commerciaux qu'il peut y avoir. Si l'on voulait préciser le cadre chronologique, nous sommes à la fin du 19e. Alors, on est plutôt, hein, Bagnères de Bigorre est desservie dès 1865, si ma mémoire est bonne. On est sous le Second Empire, et puis au lendemain du Second Empire. Pour les Alpes, c'est un peu plus tardif, parce que certaines vallées demandent une force motrice qui n'est pas encore possible d'avoir au milieu du 19e siècle. La station thermale pour renforcer le corps, la montagne, parce que les habitants de la montagne sont des gens résistance est bien connue avec nous aujourd'hui dans le cours de l'histoire. Yves Morales, bonjour. Bonjour. Vous êtes maître de conférence à l'Université Toulouse 3, Paul Sabatier, et vos recherches portent sur l'analyse, l'évolution des pratiques corporelles dans la société, dans le champ scolaire, et vous êtes l'auteur d'une histoire culturelle des sports d'hiver, le Jura français, des origines aux années 30. Justement, cette notion pour comprendre le début de l'intérêt porté à la montagne, cette naissance de l'importance d'un corps sain, cette réflexion est essentielle. Elle est essentielle, cette réflexion, parce que la montagne, on va dire, est un espace où l'on peut déjà réaliser un certain nombre de divertissements l'été, et puis évidemment, le grand air recherché durant la saison estivale, eh bien, va être également recherché en hiver. En hiver, l'hiver qui est une sorte de parenthèse de la vie sociale, hein, synonyme de neurasthénie, d'anémie, d'ennui. On peut prendre pour exemple cette formule d'un poète à qui on demandait des nouvelles de sa santé et qui disait « Hélas, j'ai l'hiver ». Et donc cette période va être l'occasion à la fois de poursuivre les activités de l'été, rechercher le grand air, le plein air, et en même temps y trouver en hiver des divertissements, un certain nombre de divertissements qui répondent à votre émission « Touchous ». Voilà, « Touchous », c'est ça, c'est trouver des divertissements. Et dites-nous, Yves Morales, que fait-on à la montagne comme divertissement premier en hiver ? Alors, trois activités principales, finalement, quand on questionne les pratiques des sports d'hiver, hein, qui sont à la fois importées dans les montagnes et en même temps développées à travers les montagnes. Trois activités principales, le patinage, qui va être assez facilement importé parce que c'est une activité qui date du XVIIIe siècle en France, sur des étendues glacées, qui concerne des classes aristocrates, des bourgeois, des gens qui vont pratiquer ces divertissements comme un temps de loisir agréable, comme une pratique qui favorise une sociabilité de classe. On trouve par exemple des fêtes vénitiennes. Et puis ces pratiques, on va pouvoir les importer assez facilement en hiver, dans les montagnes. Deuxième forme de pratique, c'est la pratique de la luge, du traîneau, hein. Ce sont des pratiques utilitaires initialement, qui sont connues en montagne, et qui deviennent l'occasion également de fêtes, de concours. Alors ça commence en Suisse, à Davos ou à Saint-Moritz, où l'on organise des pistes de luge, hein, pour les touristes anglais notamment, hein, dont on parlait tout à l'heure. Et ces concours, eh bien, ils vont diffuser également en France, à Chamonix, à Morée, dans le Jura, dans les Pyrénées très certainement, concours de luge, puis de traîneau, puis de bobsleigh, qui traduisent finalement une sorte d'engagement de divertissement vers une logique sportive, un peu à l'identique de ce que l'on connaît également dans la société à l'époque. Et puis la troisième pratique que l'on connaît, c'est le ski. Alors le ski, qui est un objet utilitaire, qui est utilisé plutôt dans les pays du Nord, hein, mais c'est la pratique qui va contribuer le plus à la mise en valeur des espaces montagnards en hiver. Et c'est une pratique qui va être diffusée en Europe centrale dans le dernier tiers du 19e siècle par plutôt des membres du club alpin français ou des sociétés alpines qui voient en cette pratique un moyen supplémentaire d'assouvir leur passion de la montagne et donc y compris en hiver. C'est d'abord un moyen qui est introduit finalement en montagne pour affronter la nature, pour donner accès à la montagne en toute saison. C'est un ski de déplacement, hein, c'est un ski, on dirait aujourd'hui, de randonnée, mais qui permet la contemplation des paysages et puis qui occasionne aussi au retour de l'excursion des descentes parfois vertigineuses. Ski, luge, patinage, dans la généalogie des activités l'hiver à la montagne, évidemment, c'est le patinage qui le remporte. Nous avons tous en tête ces tableaux de Bruegel qui montrent des patineurs déjà au XVIIe siècle. Eh bien, ces patineurs, nous les retrouvons au Bois de Boulogne. À Paris, le froid est venu, le bon froid sec qui fait des lacs du Bois de Boulogne une patinoire. Pour la première fois de l'hiver et la première fois de l'année, les Parisiens ont pu chausser leurs patins. Et le reporter des actualités françaises pourra vous dire que, selon les acteurs, la glace peut être perfide, sportive, ou aimable. Ou aimable, le journal des actualités françaises en 1946 qui évoque le patinage au Bois de Boulogne. Le Bois de Boulogne, sous le Second Empire, a été conçu avec des lacs très peu profonds pour devenir en hiver des patinoires. Steve Agimont, il y a vraiment quelque chose de mondain dans la mise en place de ces activités en hiver à la montagne. Oui, effectivement. Alors, je pense que Yves Morales pourrait revenir là-dessus plus précisément que moi, mais il y a ces origines mondaines. C'est très vrai pour la Suisse à Davos, hein, où il y a cette stratégie commerciale d'un hôtelier, d'un médecin pour faire venir des touristes en hiver autour du climat de Davos puis de Saint-Moritz autour de 1865. Donc c'est comme ça que ça se développe en Suisse, effectivement, autour de cette attraction pour les touristes les plus riches. Mais ce qu'on voit en début du 20e siècle en France, hein, autour des stratégie par exemple de l'armée qui est essentielle pour le développement des sports d'hiver, c'est quelque chose qui n'est plus tout à fait mondain, mais qui a c'est un aspect utilitaire et puis une stratégie de pouvoir permettre le désenclavement, un rôle social de l'armée, désenclaver les montagnes et aussi préparer les Français éventuellement à des conflits qui pourraient être dans les Alpes, puisqu'à ce moment-là, l'Italie et la France, de chaque côté, on se prépare à la guerre. Et donc quand en 1907 le club alpin français et l'armée organisent le premier concours de sport d'hiver en France au Mont-Genèvre, c'est un mélange de préoccupations, hein, préoccupations touristiques immédiates, donc développer une nouvelle saison de sport d'hiver, des aspects utilitaires et puis des aspects militaires de défense nationale. Et c'est tout ça qui se mélange dans le premier développement des sports d'hiver. Le développement des sports d'hiver, c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui dans le cours de l'histoire pour comprendre comment la montagne, qui longtemps a fait peur, est devenue un espace attractif, un espace intéressant. Avec ces différentes pistes que vous nous donnez, Steve Agimont, il y a ce côté mondain, il y a un aspect évidemment de maîtrise du territoire militaire. Dites-nous, Yves Morales, dans votre étude sur les sports d'hiver, vous notez bien que ces sports d'hiver concernent différentes parties de la population, selon une chronologie qui est facilement établie et à l'origine, évidemment, il faut être très riche et il faut avoir du temps pour aller s'amuser à la montagne. Voilà, tout simplement, hein, la façon de s'occuper de son temps libre dépend de la classe sociale à laquelle on appartient. Et les premiers skiistes, comme la presse les présente parfois, les premiers patineurs aussi, les premiers touristes en montagne, eh bien, sont plutôt issus des classes aisées. Par exemple, pour ce qui concerne le ski, ce sont des habitants, des citadins plutôt, et qui vont à la montagne finalement pratiquer une activité divertissante, mais parfois aussi une activité aventureuse, une activité qui engage vers le progrès humain, à l'image de Fridtjof Nansen, qui réalise en 1888 la première traversée du Groenland à ski, hein, d'est en ouest, ouvrage qui est publié évidemment en France et qui finalement donne l'exemple en quelque sorte aux membres du club alpin français dont on parlait tout à l'heure, aux alpinistes qui veulent poursuivre leurs activités en hiver dans une démarche qui associe le plaisir de l'aventure et la contemplation des merveilles de la nature. Oui, c'est l'aventure, c'est l'aventure sans aller très loin en vérité. Aller dans les Vosges, dans les Pyrénées, dans les Alpes aussi, c'est toucher l'aventure sans être obligé de traverser le monde. C'est ça, ce sont la presse les appelle les avaleurs de frima. Ce sont des personnes qui vont pouvoir bénéficier d'un peu plus de temps libre que la majorité de la population qui n'en dispose pas généralement et qui vont donc pouvoir en quelque sorte bénéficier de leur statut hein, de classe aisée. Ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que très rapidement, la pratique des sports d'hiver et notamment la pratique du ski implique les montagnards, implique les populations des montagnes, ne serait-ce que pour permettre l'accueil dans les stations de montagne. Et donc on assiste assez vite à une forme de démocratisation, vulgarisation, avec un accès un peu différencié des pratiques. Et puis justement, il est nécessaire d'organiser l'accueil de tous ces nouveaux venus. En 1874 est créé le Club Alpin Français, dont on fête le centenaire, évidemment, en 1974. C'est à l'occasion de la célébration du centenaire du Club Alpin Français, jumelé avec le cinquantenaire des premiers Jeux Olympiques d'hiver, que M. Pierre Mazeaud a fait part à Chamonix des mesures qu'il voulait prendre pour améliorer la sécurité en montagne. Les pouvoirs publics, a-t-il précisé, ne peuvent rester indifférents aux dangers de la montagne. Les 79 morts au cours de cet été dans les seules Alpes françaises imposent des solutions. S'il ne peut être question de contraintes, parce que la montagne est le terrain même de la liberté, il faut dans un premier temps inciter les alpinistes, notamment ceux qui sont chargés de famille, à s'assurer. Par ailleurs, afin de donner au plus grand nombre la possibilité de pratiquer l'alpinisme dans les meilleures conditions de sécurité, une réforme de l'obtention du diplôme de guide va intervenir prochainement. Enfin, M. Pierre Mazeaud a annoncé qu'un arrêté allait être signé pour qu'une commission interministérielle soit formée dans le but d'étudier les problèmes posés par la sécurité et les secours en montagne. Le centenaire du Club Alpin Français dans Rhône-Alpes Actualité en 1974. Yves Morales, comment comprendre en 1974 cette volonté de mettre en place un club alpin? Pourquoi est-il autant nécessaire? Alors, il faut savoir qu'on a un club alpin français, évidemment, mais il existe aussi le club alpin suisse, il existe des clubs alpins dans toutes les montagnes d'Europe. Et le club alpin, précisément, est prévu pour donner accès, hein, pour favoriser l'amour de la montagne, pour donner accès à ces zones montagneuses pour un certain nombre de loisirs, de pratiques d'aventure, de pratiques aussi d'observation géographique hein, de la nature. Dans le cas qui nous intéresse aujourd'hui, il faut savoir que le club alpin français va s'intéresser assez tôt à la propagation du ski, hein, parmi les premiers, devenant en quelque sorte la fédération des sports d'hiver. Hein, il intègre la propagation du ski dans son programme en 1904. En 1906, il se dote d'une commission de sports d'hiver et il engage une véritable croisade en faveur du tourisme hivernal, un peu pour concurrencer les stations suisses de sports d'hiver de Davos et de Saint-Moritz. Je cite, hein, « Organisons des champs d'excursion, des concours et des fêtes et le public n'aura plus lieu d'aller chercher ailleurs ce qu'il peut trouver chez nous. » Alors, Steve Agimont parlait tout à l'heure du concours de 1907 à Montgenèvre, mais chaque, finalement, zone de montagne va disposer son propre concours en 1908 à Chamonix, 1909 à Morée, dans le Jura, 1910 dans les Pyrénées, au Cotteret, 1911 au Luron, Gérardmer ensuite. Ce sont des concours qui proposent des épreuves de patinage, des courses de tobogganing, des épreuves de ski, des courses longues, des courses de vitesse, des épreuves de saut hein, qui sont extrêmement appréciées des spectateurs pour mettre à la mode en quelque sorte les zones de montagne et donner accès, faire aimer la montagne. Et en même temps, le Club Alpin Français est une société très patriotique et l'enjeu patriotique est très présent dans le développement du ski. Bon, on peut rappeler la devise du Club Alpin Français adoptée en 1903, « pour la patrie par la montagne. Donc il y a deux logiques un petit peu parallèles qui sont en tension. D'une part, faire aimer la montagne, qui s'adresse plutôt aux touristes, et d'un autre côté, pour la patrie, par la montagne, qui s'adresse aussi, et beaucoup, aux montagnards, qu'on essaye, finalement, chez qui on essaye de développer un sentiment d'amour de la patrie, un sentiment patriotique, et cette capacité à défendre la patrie si cela était nécessaire. Si elle est attaquée, puis il faut rappeler que les Savoyards sont devenus français depuis 1860. C'est pas si vieux. En tout cas, dans les montagnes, ça y est, il y a plein de gens qui font du ski. Quand on reverrai-je pays merveilleux où ceux qui s'aiment vivent à deux. France Culture. Quand on reverrai-je pays merveilleux. Le cours de l'histoire. Bonjour. Prévenir et lutter contre les connards qui chantent « Les bronzés font du ski sur les pistes », c'est notre métier. Alors rejoignez-nous. Just because of you. Aïe ! Elle est bien ! Xavier Mauduit. Oui, pourtant elle était bien. Steve Agimon, nous évoquons le rôle qu'a la montagne dans le développement d'un sentiment patriotique particulier. En quoi cela est nécessaire ? Nous le voyons dans cette fin du 19e siècle avec ce qu'on a souvent résumé sous ce terme de esprit revanchard. Il y a seulement cet esprit revanchard dans la montagne ou il y a tout un aspect de maîtrise complète du territoire où la montagne est un élément de cette nation avec cette fierté. En quoi la fierté montagnarde contribue à la fierté nationale ? Alors là, il y a des racines anciennes d'une certaine quête des identités nationales dans les espaces ruraux et dans les espaces montagnards depuis la fin du 19e siècle. Donc à ce titre, les montagnes deviennent une sorte de réservoir des traditions depuis la Révolution française pour la France, en gros, où il y a un tournant qui s'opère entre des montagnards plutôt modèles et puis ensuite des montagnards plutôt une réserve de traditions, disons, et des traditions authentiques de la France. Donc ça, autour de la redécouverte de la ruralité, enfin de la réinvention de cette ruralité sous la Troisième République, de cette mise en avant de l'importance des racines rurales de la France pour des raisons politiques et puis des raisons identitaires qui vont être poursuivies ensuite et portées au paroxysme sous le régime de Vichy, les montagnes ont cette image, portent certaines valeurs qui semblent intéressantes pour l'identité nationale. Et dès lors, le paysage de la montagne devient un élément qu'il faut réinterpréter, réinvestir. Comment cela se passe-t-il ? Alors, si on veut parler du développement des stations de sport d'hiver, il y a cette idée effectivement de pouvoir promouvoir dans ces zones qui sont en train d'avoir une économie qui s'effondre, de pouvoir promouvoir une nouvelle activité qui va permettre de relever les montagnes. Sauf que cette économie des sports d'hiver, et là je pense qu'on arrive à quelque chose d'assez important dans l'histoire des sports d'hiver, cette économie des sports d'hiver, elle ne va pas du tout de soi au début du 20e siècle, puisque elle paraît extrêmement aléatoire. D'abord, les publics concernés sont extrêmement peu nombreux. Les sports d'hiver sont avant tout un spectacle, une pratique en partie, mais une pratique qui n'est pas forcément très nombreuse. Et donc, il y a un enjeu de pouvoir créer un marché au début du 19e siècle, du 20e siècle, autour des sports d'hiver. Et il y a des hésitations en France particulièrement, il y a des hésitations, puisque, par exemple, pour des hôteliers qui voudraient ouvrir l'hiver, eh bien, ils ont des gros investissements à faire pour du chauffage central, par exemple, qui n'est pas encore répandu dans les hôtels. En fait, il y a tout un tas d'équipements qui sont onéreux et qu'on hésite à faire. D'autant plus qu'on se rend compte, dès le début du 20e siècle, que la neige est une ressource extrêmement aléatoire. C'est vrai dans les Pyrénées, mais on le retrouve aussi dans les Alpes avec des premiers concours qui sont menacés par le manque de neige parce qu'on organise ces concours très bas. À Chamonix, à 1000 mètres, il peut y avoir... La neige n'est pas tout le temps là, même au début du 19e siècle, du 20e siècle. Et donc, voilà, on commence à réfléchir au début de ce 20e siècle à comment faire de cette nouvelle vogue une réelle activité économique. Et comment ça se passe pour le cas des Pyrénées, Steve Agimon, que vous connaissez particulièrement bien ? Ce sont des autorités locales qui décident de ce mouvement-là ou est-ce qu'il y a déjà un regard national ? Alors, c'est là que c'est intéressant, c'est que en fait, c'est un mélange d'influence européenne, mais les quelques investisseurs locaux, enfin quelques hôteliers, en l'occurrence c'est un pharmacien et chocolatier qui a un grand rôle pour les Pyrénées, voient ce qui se passe en Suisse et veulent développer la même chose. Et en Suisse, en fait, là on est dans le contexte de la seconde industrialisation, avec l'explosion des chemins de fer et de l'électricité, et qui ouvre des nouvelles possibilités d'aller rejoindre, puisque la neige est aléatoire en fond de vallée, et bien éventuellement on va pouvoir monter en altitude sud et aménager, ouvrir au milieu des champs de neige bien un hôtel et des activités sportives hivernales. Et donc c'est ce qui se passe à Bagnères-de-Luchon entre 1907 et 1913 avec l'ouverture d'un, enfin 1912 l'ouverture d'un chemin de fer à crémaillère qui permet de passer de 600 mètres à 1800 mètres d'altitude au milieu des champs de neige. Donc pour la station de Super Bagnères, hein, le nom est vernaculaire et puis ensuite va essaimer en fait en France et en Espagne. Et au même moment, hein, donc avec l'aide de la Compagnie des chemins de fer du Midi qui voit aussi l'opportunité d'investir là-dedans. Donc le pari est fait aussi à Font-Romeu dans un site qui était auparavant non bâti. Et donc comme ça, avant la Première Guerre mondiale, on a deux stations qui apparaissent en France, deux stations d'altitude qui reprennent un modèle suisse, mais en créant des stations de toutes pièces en altitude pour assurer la présence de la neige. Mais en fait, même là, la neige va être quelque peu aléatoire, en particulier pour Font-Romeu. Et les populations locales sont concernées, par exemple, pour aller explorer ces territoires. À qui fait-on appel ? Oui, alors pour Super Bagnères, hein, c'est vraiment quelqu'un de c'est ce chocolatier Ludovic Dardenne, hein, qui est un président du syndicat d'initiative, c'est le correspondant du Touring Club de France, correspondant local, donc il connaît ce qui se passe ailleurs, hein, il s'y réfère, et donc ce Ludovic Dardenne, le Luchonnais, va essayer de jouer de ses réseaux pour attirer des investisseurs, puisque en fait c'est des investissements gigantesques qu'il faut faire sur un pari très risqué, celui de la neige, qui apparaît encore comme un secteur économique balbutiant, vraiment balbutiant. Et dès lors, il faut faire appel à tous ceux qui peuvent aller à la conquête de la montagne. Parmi eux, il y a les chasseurs alpins et Georges Pompidou. Rendez-vous franco-italien au pied du Mont Blanc. Monsieur Pompidou et Monsieur Fanfani, avant d'aller s'entretenir de l'Europe à Turin, ont inauguré le tunnel qui traverse désormais le plus haut sommet des Alpes. Les deux présidents du Conseil ont emprunté le petit train des ouvriers pour gagner l'Italie et ont officiellement constaté, comme le font les automobilistes en 1964, qu'il n'y a plus de Mont Blanc. Reste évidemment un sommet de ce nom au-dessus d'une mer de nuages. Une crête éternellement blanche qui fascinera toujours les hommes. C'est à cette fascination qu'avait répondu quelques jours plus tôt un détachement de 115 chasseurs alpins. Les hélicoptères de l'armée ont suivi leur escalade. Le froid et le vent qui soufflaient à 100 km à l'heure rendaient cette ascension difficile. Enfin, les premières cordées arrivaient sur le sommet du Mont Blanc. C'était la première fois que les chasseurs alpins y faisaient flotter leur drapeau. Les actualités françaises en 1962 évoquaient la construction du tunnel du Mont Blanc et puis évoquaient dans la foulée les chasseurs alpins. Ces chasseurs sont intéressants, Yves Morales, parce qu'ils partent à la conquête de la montagne. Quel est leur rôle ? Alors l'armée joue un rôle extrêmement important, donc à l'initiative du régiment de chasseurs alpins de Briançon. 1902, le capitaine Clerc publie un rapport sur les expériences de ski exécutées dans les environs de Briançon. Et ce rapport a un réel retentissement parce que, tout simplement, il apporte la preuve que le ski est tout à fait efficace en montagne. Et il apporte la preuve de la supériorité du ski par rapport aux raquettes à neige, hein, qui étaient déjà utilisées comme moyen de déplacement. Alors l'enjeu pour l'armée, il est important, on l'a vu tout à l'heure, par rapport à la défense des frontières. C'est donc une démarche patriotique. Mais ce qui est intéressant dans le rapport du capitaine Clerc, c'est qu'il intègre également une logique socio-économique, puisqu'il considère que finalement que le ski, le patin à neige, la bicyclette à neige, on appelle cela également, eh bien peut participer au maintien de la vie socio-économique en montagne. Alors pour cela, l'armée transmet des formes qui sont envoyées aux menuisiers pour qu'ils puissent construire des skis, hein, à moindre coût. L'armée diffuse des manuels techniques qui permettent de généraliser l'emploi du ski en montagne, hein, tout simplement pour éviter de chuter et pour se déplacer. Et puis l'armée favorise également l'affectation de montagnards qui souhaitent faire leur service militaire dans les chasseurs alpins. Et l'armée délivre également des diplômes de skieurs qui peuvent être utiles ensuite pour accompagner des touristes en montagne si cela était nécessaire. Et donc cette utilité du ski, enfin, je voulais juste rajouter quelque chose d'intéressant, c'est que au-delà de l'idée patriotique, il y a une justification plus générale qui relève de la lutte contre la dégénérescence de la race. qui est évidemment un argument extrêmement développé dans le domaine des pratiques corporelles. Et le ski est un moyen supplémentaire de préserver le capital humain et de renforcer cette race robuste, certes des montagnards, mais qui s'étiole durant l'hiver. Et à partir de là, le ski participe des discours eugénistes qui sont diffusés durant la Troisième République. Voilà, nous avons ces différents moyens de se déplacer en montagne. On peut dire que le patinage a commencé pour attirer les gens. Et puis il y a eu la luge, il y a eu le traîneau, mais quelque chose de très utilitaire. Il y a eu, et là on vient d'en parler, le ski. Merci aux chasseurs alpins d'avoir permis de démontrer que le ski était utile. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi la marche. Petit tour après les Pyrénées, après les Alpes, dans les Vosges. Près d'Union, entre tous ces paysages, le GR5. Un sentier qui, venant des plaines du Nord, sillonne en serpentant les Vosges du Nord au Sud avant d'affronter les pentes plus escarpées des Alpes. Il arrive que le promeneur le long de ce sentier soit amené à imaginer ceux qui l'ont précédé sur ce chemin. Que ce soit pour découvrir les hautes chaumes, les lacs ou tout autre paysage vosgien, la voiture n'a jamais été et ne sera jamais le moyen idéal. Le vrai voyage commence lorsqu'on s'arrête, dit le poète. Et pour pouvoir vraiment s'arrêter et regarder, la marche reste de loin le meilleur moyen de locomotion. Les Français ne marchent plus, c'est dommage. Et je trouve surtout que ce sont les jeunes qui ne marchent plus. Il y a encore des vieillards comme moi, n'est-ce pas, qui marchent avec beaucoup de plaisir et qui trouvent beaucoup de joie à marcher. Et j'estime que c'est peut-être bien dans l'enseignement et dans l'éducation des jeunes qu'on devrait agir pour faire marcher les enfants. C'est tout ce qu'on veut, la marche. Il n'y a rien de plus beau, monsieur. Mais oui, il n'y a rien de plus beau. Enfin, si, il y a peut-être le ski aussi. Enfin, il y a peut-être également les raquettes. Enfin, il y a peut-être aussi le patinage. Bon, il y a plein de choses de très bien. C'était randonnée dans les Vosges, sur FR3 Grand Est en 1974. Alors, nous évoquons cette appropriation de la montagne et cette transformation de ce lieu jusqu'alors hostile en un lieu attractif. Steve Agimont, en quoi la montagne est transformée dès lors ? Transformée par les sports d'hiver ? Bon, déjà, c'est cette nouvelle saison qui apparaît, très timidement. La transformation n'est pas immédiate. Disons que pour des endroits anciennement fréquentés l'été, comme Chamonix, comme les stations pyrénéennes, la plupart, les sports d'hiver arrivent comme une seconde saison de complément, mais qui en fait, dans les années après la Première Guerre mondiale, ne tient pas vraiment ses promesses. Les stations comme Font-Romeu et Superbannière tournent très bien grâce à l'été. Et l'hiver, finalement, le public de skieurs est très peu nombreux. En 1930, il y a la Fédération française de ski, c'est 7000 skieurs. Donc on peut estimer que tous les skieurs ne sont pas licenciés, mais ce sont des effectifs très faibles. Donc là, il y a un tassement des initiatives. Il y a bien Megève qui se lance, mais finalement, Megève, sur un modèle proche de Superbannière et Font-Romeu à l'origine, Megève fonctionne plutôt aussi l'été que l'hiver. Et dans les années 1930, c'est là peut-être qu'il y a que sont en germe tous les grands bouleversements, mais je voudrais peut-être pas empiéter sur ce que pourrait dire Yves Morales sur l'ensemble des bouleversements qui s'opèrent dans les années 1930 avec l'avènement en particulier du ski alpin et de l'automobile qui sont deux éléments fondamentaux pour la transformation ultérieure des montagnes. Yves Morales, vous êtes l'auteur d'une histoire culturelle des sports d'hiver et justement cette sportivation de la société en général, j'utilise un mot qui pique un peu les oreilles, mais enfin qui veut dire quelque chose. Cet attrait de la société pour le sport a une incidence évidente sur la montagne. Oui, absolument. On parlait de la marche tout à l'heure. Effectivement, la première pratique du ski, c'est plutôt une pratique qu'on redécouvre aujourd'hui d'ailleurs, en raison de la crise sanitaire. C'est une pratique de ski nordique, c'est une pratique de ski de fond, c'est une pratique de marche. Cette pratique n'est peut-être pas la plus attractive, je dirais, pour les touristes. Et ce qui s'observe alors juste avant-guerre, dès 1911, 12, 13, c'est-à-dire que la société se développe sur une base de plus en plus sportive, comme l'ont montré très bien Georges Vigarello, Pierre Arnaud, Thierry Terret, qui ont travaillé sur ces questions. Et la société donc se sportivise, on dit, c'est-à-dire elle est de plus en plus attirés par des pratiques de compétition, de performance, que l'on pourrait nommer le culte de la performance. Et les premiers skieurs, les premiers concours, eh bien, vont s'engager finalement dans cette voie. Alors, à partir de 1909, hein, dans une sorte de systématisation des concours, l'exemple des Scandinaves avec les Jeux du Nord est évidemment très intéressant, mais les Français sont absolument pas compétitifs par rapport aux skieurs scandinaves. C'est-à-dire que dans les pratiques de ski de fond, dans les pratiques de saut à ski, les Français sont évidemment bien moins préparés sur des temps d'entraînement beaucoup moins importants. Et donc, ce qui est intéressant d'observer, c'est qu'ils se désirent de mettre en place un entraînement, une pratique dans le sport va s'amplifier en quelque sorte. Et parallèlement, évidemment, l'invention et le développement du ski alpin, qui dans les journaux est présenté comme correspondant peut-être un peu davantage à l'esprit français, en tout cas à l'esprit des Alpes, hein, puisqu'on a les pentes qui permettent cette pratique. Et le ski alpin va participer, contribuer finalement à cette sportivisation. Alors ça commence en Suisse, hein, en 1924, avec la création du Kandahar Ski Club et du Downhill Only Club, hein, qui sont des clubs spécialisés justement dans la pratique de la descente. Et puis ça diffuse progressivement en France, je dirais en trois étapes, finalement, qu'a évoqué un peu Steve Agibon tout à l'heure. Première étape, la médiatisation des sports d'hiver dans un cadre olympique. C'est-à-dire qu'en France, l'idée va être d'organiser une semaine hivernale des sports d'hiver en 1924 à Chamonix, qui précède les Jeux d'été organisés la même année à Paris. Et c'est une semaine hivernale qui sera rétroactivement baptisée « Premiers Jeux olympiques d'hiver » par le CIO. Et c'est un événement qui sportivise en quelque sorte la pratique dans la mesure où il provoque la création d'une fédération internationale de ski qui exige parallèlement la création d'une réelle fédération française de ski qui va se focaliser sur la préparation des skieurs dans les compétitions internationales. La deuxième étape met en évidence finalement au sein du club alpin français qui continue à piloter cette espèce de début de fédération. Cette deuxième étape met en évidence une scission des skieurs entre le club alpin français, qui reste encore très fidèle à ses objectifs socio-économiques et sociopolitiques, et les skieurs qui, eux, privilégient directement la volonté de briller dans les compétitions internationales. Et puis la troisième étape, c'est celle qui correspond à l'importance considérable que prend le ski alpin comme modèle de pratique de plus en plus valorisé en France. Et ça va passer par les victoires des représentants français dans les championnats internationaux de ski. On va avoir des spécialistes de descente et de slalom qui vont conforter en quelque sorte le virage sportif pris par la Fédération française de ski. Alors l'exemple le plus représentatif, ce sont les trois médailles remportées par Émile Allais au championnat du monde de ski en 1937 à Chamonix. Et ces médailles marquent symboliquement une nouvelle ère du développement des sports d'hiver. D'une part parce que ça confirme l'importance du ski alpin qui va devenir en France le sport roi et dans les Alpes le sport roi et qui réduit finalement assez vite l'intérêt pour les skieurs de fond, hein, skieurs de fond qui seront négligés en France jusqu'aux Jeux Olympiques de 68. Et d'autre part, la situation dans l'essor du ski alpin participe finalement au développement des stations de sport d'hiver, puisque l'imaginaire du ski alpin va promouvoir en quelque sorte les valeurs de la vitesse, les valeurs du vertige, les valeurs de la témérité et de la maîtrise technique, autant de valeurs qui correspondent davantage avec le plaisir, hein, la distraction, aux citadins qui vont commencer à se rendre davantage sous le front populaire, et puis après la Seconde Guerre mondiale, qui vont se rendre davantage dans ces stations d'hiver où l'exploitation économique de l'or blanc va pouvoir s'organiser. Mais Steve Agibon pourrait nous en dire peut-être davantage. Et ben, il va nous en dire davantage, mais juste avant, Yves Morales, il faut s'équiper. Les Alpes bougeraient-elles? On a vu une innovation récente prendre les allures et les proportions d'une véritable révolution. Comme les jupes l'an passé, les skis se sont raccourcis. Ski court. Ski long. Les tenants des deux parties se livrent une lutte sans merci, les uns prônant l'ancienne planche de 2,10 m, les autres la nouvelle de 1,40 m qui facilite en principe les virages et les arrêts. Les extrémistes déjà montrent le bout du nez. Le patin à neige, disent-ils, voilà l'avenir. Et on a vu mieux encore, le ski à double spatule. Valable dans tous les sens. Dans les actualités françaises, des skis de toutes les tailles. En 1954, Steve Agimont, ça y est, la montagne qui faisait peur encore au XVIIIe siècle, mais qui fascinait, hein, est devenue un lieu purement attractif. C'est un lieu magnifique, mais c'est un lieu complètement imaginé. Si l'on s'arrête dans les Pyrénées, il y a une relecture complète de ce qu'est la montagne. Oui, effectivement, il y a une transformation complète, en tout cas, de la montagne, d'un espace qui était un espace agricole, hein, important pour les populations qui y vivaient, un espace d'extraction, un espace de forêt, donc de ressources forestières qui avaient été importantes pour la première industrialisation. Donc il y a une transformation de cet espace, mais qui ne se fait pas sans conflit, vers un espace de loisirs. Et donc ça s'opère dès la fin du XVIIIe siècle, au XIXe et puis au XXe siècle. Les populations locales sont partie prenante, hein, on a souvent l'image d'une colonisation de la montagne par des intérêts extérieurs, par les gens des villes, mais c'est pas ce qui s'est passé, c'est que les gens localement, les élites locales en particulier, ont très bien compris qu'il y avait là un secteur à faire fructifier. Et c'est ce qu'on retrouve dans les sports d'hiver. Mais ça crée des frictions, des conflits d'usage tout simplement, et on le voit très bien avec les sports d'hiver, dès les premiers lancements de stations au milieu des pâturages, eh bien les populations locales qui avaient cédé les terrains, les communes, on est sur des terrains communaux, qui avaient cédé les terrains, se rendent compte qu'elles sont flouées, qu'elles ne touchent quasiment pas d'argent et qu'elles voient leurs estives être dégradées par les aménagements de plus en plus importants, d'autant plus avec l'avènement des téléskis, dans les années 1930, qui mettent des pylônes, qui mettent des câbles et qui posent des problèmes aux communes porteuses qui ne s'attendaient pas à ce développement-là. Et donc il y a une série de conflits qui démarrent autour des conventionnements fonciers en particulier, qui démarrent et qui vont se retrouver après la Seconde Guerre mondiale et qui bloquent, par exemple, si on prend encore cet exemple de Superbagnère parce qu'il est intéressant, parce qu'il est originel, disons, pour les Pyrénées, qui bloquent l'aménagement de Superbagnère jusqu'aux années 1970. Ce qui est intéressant, c'est de noter que avant le plan neige des années 60, 1960 et 1970, Steve Agimont, il existait déjà ces conflits, ces tensions sur la mise en place de structures, des aménagements dans la montagne. Mais ça y est, elle est là, cette montagne, elle est occupée, c'est le pays de l'or blanc. Jusqu'à ces dernières années, c'était un sport de riches. Ça l'est peut-être encore. En tout cas, avant, on allait au sport d'hiver, comme les gens bien allaient prendre les eaux à la belle époque. Maintenant, on fait du ski. Les stations d'altitude poussent comme des champignons. Le prix du mètre carré d'alpage grimpe plus vite que celui de l'entrecôte qu'on y cultive sur pied en été. Et les embouteillages sur les pistes ne doivent rien à ceux des routes du week-end. Au moins 1 million de personnes sur les skis cette saison. Ce n'est encore que la 25e partie des Français prenant des vacances. Mais ça fait du monde au pied des remontées mécaniques, car chacun n'a pas encore son remonte-pente personnel. À la radio-télévision belge francophone, en 1967, il était question de l'or blanc, du pays de l'or blanc, et donc de cette démocratisation. Parce qu'il y a cet aspect aussi qui nous permet de saisir en quoi les sports d'hiver ont transformé le regard porté sur la montagne. Il y a démocratisation, de plus en plus de gens y vont, ou de plus en plus de gens fantasment aussi d'y aller, même sans y aller. La montagne devient quelque chose de présent sans cesse dans notre imaginaire, Steve Agimont. Ouais, c'était le rêve des premiers investisseurs des sports d'hiver au début du XXe siècle, de créer ce désir de sport d'hiver. Et là, on trouve des associations qui veulent créer ce désir, en plus du Club Alpin Français, du Touring Club ou de l'armée. Il y a cette action-là, et effectivement, ce désir de sport d'hiver se répand. Si on regarde les catégories sociales qui sont concernées par le ski, il y a une massification du ski. Mais ce qui est assez étonnant, c'est qu'avec le monopole du ski alpin qui va être pris par les stations de sport sports d'hiver, eh bien, je me demande, et c'est une hypothèse, hein, s'il n'y a pas eu finalement un phénomène de dépopularisation. C'est-à-dire qu'à l'entre-deux-guerres, effectivement, il y a une pratique originelle qui est mondaine, mais à l'entre-deux-guerres, ce qu'on voit, c'est se multiplier les petits clubs de ski qui concernent y compris des ouvriers et qui vont se bricoler des skis, qui vont aller en montagne sur des champs de neige qui ne sont pas équipés. Et semble-t-il, ces pratiques-là disparaissent avec le moment où les sports d'hiver sont concentrés dans les stations autour d'une action qui est voulue par l'État, qui est voulue par l'État dès le Front populaire, qui est voulue sous Vichy et qui est vraiment mise en place à partir du premier plan d'équipement et de modernisation, où il y a des fonds qui sont prévus pour l'organisation de grandes stations de ski. Qui sont là, voilà, on pense au ski pour en faire un vrai secteur productif de la France et pouvoir enfin développer l'économie montagnarde. Avec toute une réflexion très contemporaine sur la crise sanitaire qui fait que maintenant les remontées mécaniques ne fonctionnent pas, donc il y a d'autres pratiques qui apparaissent et la montagne retrouve un peu des champs de possibles pour son avenir. Steve Agimont, il faut toujours demander aux historiens quelles sont les voies que peuvent prendre l'avenir, parce que l'avenir a un écho, nous le sentons depuis que nous parlons de cette histoire de la montagne, avec ce qui était dans le passé. Alors, l'avenir, peut-être parler de la situation présente où on constate un certain nombre de blocages pour un grand nombre de stations. Il y a eu un trop grand nombre de stations qui sont nées. Les services de l'État ont voulu bloquer un certain nombre d'initiatives après la Seconde Guerre mondiale, mais ils n'y sont pas parvenus jusqu'aux années 80. Donc, un grand nombre de stations sont nées sur des sites qui, à l'évidence, étaient trop restreints. Et on le savait à l'époque, et c'est intéressant de voir les archives sur ça. On le savait immédiatement qu'il y aurait des problèmes d'enneigement et de limites topographiques qui feraient que ces stations n'atteindraient jamais la rentabilité. Mais pour les maires en question ou pour les investisseurs, ils ne voyaient pas d'autres solutions pour développer pour l'avenir de la montagne. Alors là, maintenant, on se retrouve dans une situation où beaucoup de stations sont bloquées par les choix passés. Tous leurs fonds se retrouvent bloqués par les investissements et par l'obsolescence des équipements en place, sans pouvoir forcément relancer l'immobilier. Et puis, d'un autre côté, il y a quand même un contexte plus global de crise écologique majeure qui fait que peut-être qu'à l'avenir, si on se met à penser à comment restreindre notre consommation énergétique, peut-être que les canons à neige qui sont devenus indispensables pour un grand nombre de stations des Alpes comme des Pyrénées, du Massif central et d'ailleurs, peut-être que les canons à neige ne seront pas prioritaires pour nos besoins énergétiques futurs. Donc je pense qu'un grand nombre de stations de montagne, sans vouloir jouer les oiseaux de mauvais augure, sont dans une situation critique et qu'il est très difficile aujourd'hui pour les élus locaux de faire face à cette situation et de l'affronter réellement, parce qu'il manque de moyens et parfois qu'il y a des intérêts électoraux derrière qui les bloquent un petit peu. En tout cas, il y a des choses à inventer ou à réinventer. Merci beaucoup, en tout cas, Steve Agimont. Je rappelle que vous venez de publier, il y a quelques mois, La nature, l'économie et l'imaginaire, l'aménagement touristique de la montagne Pyrénées, fin 18e siècle jusqu'à 1914, dans la revue d'histoire moderne et contemporaine. Et merci à vous, Yves Morales. Et je rappelle, une histoire culturelle des sports d'hiver. Vous nous avez conduit dans le Jura français des origines aux années 30. Merci beaucoup. Il est l'heure, dans le cours de l'histoire, de retrouver Gérard Noiriel avec son pourquoi du comment, comme en économie, comme en philo, comme en science, une réponse éclairante à une question simple. Connaissez-vous Madame Chimpanzé ? Au XVIe siècle, la mondialisation des routes de commerce a provoqué l'arrivée dans les ménageries princières d'un nombre croissant d'animaux exotiques, notamment ces grands singes qu'on appelle alors les orang-outans. Placés au centre des travaux d'anatomie comparée, ils deviennent dans le même temps l'une des grandes attractions de l'espace public en cours de constitution. C'est dans ce contexte que Madame Chimpanzé fit son entrée sur la scène londonienne en 1738. Capturée en Angola, elle est exhibée dans un coffee shop. Pour un shilling, tous les Londoniens peuvent assister à ce nouveau spectacle. Les journaux de Londres restituent l'événement en détail à travers la publicité, les news, les commentaires des visiteurs, plus ou moins célèbres. Ils reprennent immédiatement à leur compte le nouveau terme « chimpanzee » utilisé par le propriétaire de ce singe, mot qui s'impose également en français la même année. Les discours des journalistes et des savants de l'époque convergent pour humaniser cet animal. Décrite comme modeste, sensible, polie, avec de bonnes manières, et vêtue à la dernière mode de Paris. The African Lady Mademoiselle Chimpanzee est considérée comme la créature la plus proche de l'espèce humaine. Même le célèbre Buffon reprendra à son compte cette description 25 ans plus tard dans le volume 14 de son Histoire naturelle consacrée aux singes. D'un point de vue sociologique, ce qui frappe, c'est que cette créature est finalement utilisée pour valoriser les pratiques sociales et culturelles d'une nouvelle classe sociale urbaine dont la politesse et les bonnes manières constituent la marque distinctive. Le fait que Madame Chimpanzée soit décrite comme amatrice de thé, boisson nouvelle qui a commencé à s'imposer sur le marché britannique à partir des années 1720, va dans le même sens. De même que son exhibition dans ce lieu nouveau qu'est le Coffee House. La fabuleuse carrière de Madame Chimpanzée, minutieusement fabriquée et rapportée par les journaux britanniques, s'interrompt brutalement avec sa mort inattendue en février 1739, 5 mois après son arrivée triomphale à Londres. Les médecins estiment que ce décès est dû à son addiction au thé, retrouvée en quantité extravagante dans son corps. L'historienne Sylvia Sebastiani, qui a longuement étudié cette question dans ses recherches, montre que le cas de Madame Chimpanzée a alimenté la réflexion des Lumières sur les frontières de l'humain. L'insistance sur la modestie, la pudeur, la chasteté de ce singe femelle reflète l'image idéalisée de la femme que défend alors la middle class européenne. L'humanisation du primate s'accompagne d'un autre processus capital pour l'avenir du monde, car elle se construit en même temps que l'animalisation de l'homme sauvage, catégorie qui inclut les Africains et les Amérindiens, mais aussi, au cœur même de l'Europe, les enfants trouvés, les Irlandais, les paysans ou les pauvres. C'est donc au moment où s'estompe la distinction entre l'animal et l'humain que se creuse le fossé séparant les peuples présentés comme civilisés et les peuples réputés sauvages. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Milena Hellig avec aujourd'hui à la technique Baptiste Lénard, une émission préparée par Marion Dupont, Anne-Toscan Judès, Odile Joissel, Valentine Lovrins et Maïwenn Guizhou. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter sur le site franceculture.fr et sur l'application Radio France. À demain.